Radiomatic. C'est à la formation Mesh, originaire de la ville de Bristol en Angleterre, que l'on doit cette introduction à la transmission 038 de Dumatic avec la chanson Needle in a Bruise de leur troisième album The Point at Which It Falls Apart, paru en 1999. Heureux de vous accueillir chaque semaine, les électronistes vous proposent de découvrir toute une gamme de sonorités synthétiques créées et utilisées par des artistes défiant les genres musicaux. C'est la beauté de la musique électronique d'ailleurs, soit de permettre à ses nombreux créateurs d'intégrer dans leur composition toutes les combinaisons imaginables de sons et d'instruments. D'ailleurs, l'un des artistes bien connus qui fait exploser les dogmes musicaux, c'est le Montréalais d'origine brésilienne Amon Tobin. Nous lui laissons la place dès maintenant avec sa pièce El Rey. Thank you. she sees the colors, tastes the flavors. She throws her sorrow once again. Give me a song once more. Monocorde. Venons tout juste d'entendre la formation française Peine perdue et la pièce Noyée tirée de son récent album intitulé Disparition. Sachez que Peine perdue offrira un concert à Montréal ce samedi en compagnie notamment de l'artiste montréalaise Xaradion. Ce spectacle aura lieu aux Catacombes, une salle située au coin des rues Saint-Laurent et Ontario. Avant Peine perdue, nous entendions le groupe Victoria Fleet et la pièce titre de leur premier album qui se nomme Ashed. Et c'était Amon Tobin qui ouvrait le bal avec Elle Wraith, une pièce qui se retrouve sur son quatrième album Out From Outwhere, sorti en 2002. Nous en sommes maintenant à entendre le groupe allemand No Comment à Audiomatic. I know you see me judge like anybody else. We'll be right back. deepest pain is the one you have gained. I know it's true. Claim it or not, we've all with the world. I've changed my mind. I'm aching. For help when I need to breathe. To heaven and hell, I never can tell what is wrong in me. I'm aching. À Audiomatic, précédemment à la pause dite publicitaire, c'est le groupe suédois Cliché qui concluait la séquence musicale avec la chanson Anything You Want de leur album 5 Miles Per Gallon. Nous avons aussi pu entendre le groupe allemand Nachtzehrer et la pièce Run Baby Run de leur album Teen Taken from Tent by Aliens. Et tout juste avant, leur compatriote No Comment nous offrait leur composition Over Over de leur album Bondage. On poursuit avec un groupe qui a fait tourner bien des têtes vers la musique électronique, techno et house au début des années 93. Voici nul autre que Underworld et la pièce Dark and Long. it up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away. Oh. C'était Covenant, de qui nous écoutions la pièce Wasteland, parue sur le premier album de ce groupe suédois, un album qui s'intitule Dreams of a Cryotank. Et avant, nous entendions Underworld avec sa pièce Dark and Long, pièce qu'on retrouve sur l'album Dub No Bass with My Headman, un album sorti en 93. Nous mettrons un terme à la transmission 038 d'Audiomatique avec le projet américain Joy Electric, qui est mené par Ronnie Martin et qui nous interprétera la chanson As Children We Are Growing Younger, The Heritage Bow, de l'album Legacy Volume 1 de White Songbook, sur lequel on ne retrouve aucune sonorité traitée, seulement des synthétiseurs analogues. Et pour expliquer un peu, un synthétiseur analogique, utilise les caractéristiques du courant électrique pour générer des sons, contrairement aux synthétiseurs numériques qui utilisent des composants électroniques capables de stocker les informations. Si cette pièce mettra un terme à la transmission, cela ne signifie pas que c'est la fin, mais plutôt la continuité, puisque les électronistes seront de retour en direct mercredi prochain dès 17h pour vous offrir une autre heure de plaisir auditif électronique. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment, mais que vous désirez tout de même avoir le plaisir de nous écouter sur les ondes hertziennes, eh bien, sachez que les transmissions d'Audiomatique de chaque semaine sont rediffusées les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Il est aussi possible de consulter toutes nos anciennes transmissions qui sont archivées quelque part dans une cybervoûte. Le meilleur chemin pour y accéder, c'est par notre page facebook.com/audiomatique-cfou. Et si jamais le cœur vous en dit de nous écrire, pour peu importe la raison, que vous ayez des demandes spéciales, des questions, des commentaires ou tout simplement pour partager vos coups de cœur, vous pouvez donc nous écrire par l'entremise de notre adresse courriel, tout simplement audiomaticecfou@gmail.com. Alors voici, pour conclure l'émission, Joy Electric et la chanson As Children We Are Growing Younger. The Heritage Bow. Passez musicalement une bonne semaine. I'm D'originalité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.